إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, aujourd'hui on continue, c'est le cours numéro 16 dans l'explication du livre Zajr al-Mutahawin, Bidarari Qa'idat al-Ma'zirat al-Ta'awun, et on commence le cours numéro 16 aujourd'hui. Donc, on a fini la première section qui parle des fondements et des principes, et maintenant on commence la deuxième section du livre qui s'intitule Ma yatarattabu ala i'mali hadhihi al-Qa'idah. C'est quoi les conséquences d'agir selon ou d'appliquer cette règle des ikhwan nata'awanu fi ma ittafaqna alayh wa ya'ziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna fihi, c'est-à-dire on s'aide entre nous dans les choses, on coopère entre nous ou on s'entraide dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge. Donc on va voir les conséquences de cette règle dans la pratique, qu'est-ce qui arrive quand on l'applique. Qa'idatun maqtu'atu as-silah bis-salaf. Le cheikh il mentionne comme premier point que c'est une règle qui est coupée, qui n'a aucun lien avec les salaf. Le cheikh il dit qad bayyana fi ma suqnahu min al-adilla أن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ليس عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم بل إن عملهم على نقيد ذلك تماما فترى أحدهم ينسب نفسه إلى الضلال إذا قال بقول غيره مما يعلم أنه مناجب للصواب فترى أحدهم ينسب نفسه إلى الضلال إذا قال بقول غيره مما يعلم أنه مجانب للصواب ولو طلبت من قائل هذه القاعدة بيان سلفه بها من القرون المفضلة لما استطاع إلى ذلك سبيلا ولو كان هذا القول محمودا لقاله خير القرون وصدر هذه الأمة وصدر هذه الأمة وخيرتها والله سبحانه وتعالى يقول مبكتا الكفار في إنكارهم فضل خيار المؤمنين وربطهم الخير في أنفسهم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. Donc le cheikh il dit, on a clarifié dans qu'est-ce qui a précédé dans la section précédente les preuves que cette règle des ikhwan, on s'aide entre nous dans les choses sur lesquelles on est d'accord et on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on diverge, ça ne fait pas partie de l'attitude et de l'application des sahaba radiallahu anhum. Ils n'ont jamais suivi cette règle, ils n'ont jamais pratiqué cette règle. En fait, on voit que leur attitude et leur comportement envers la divergence étaient totalement opposés à cette règle. Parce que tu vois que certains d'entre eux, lorsqu'ils voyaient quelqu'un d'autre qui s'attribuait ou qui suivait une parole qui était reliée à l'égarement, hein, ils n'allaient pas la dire, ils n'allaient pas être d'accord avec elle. Hein, et donc ça prouve que ça c'est une règle qui est en opposition avec qu'est-ce qui est correct dans l'islam. Et si tu demandes à la personne qui applique ou qui croit en cette règle d'expliquer ou de montrer qui sont ces salafs, hein, qui sont ces prédécesseurs parmi les musulmans des premiers siècles, des trois premiers siècles préférés, si on leur demande, montrez-nous ou donnez-nous les noms de vos salafs, hein, à ce sujet, parmi les salafs qui parmi les salafs ont suivi ou ont appliqué ou ont mentionné cette règle, ils ne seront pas capables de ramener rien comme preuve ou comme référence parmi les salafs à ce sujet-là. Toutefois, si cette règle était une règle qui était louable, qui était une règle qui était bonne, eh bien, les premiers musulmans de cette Ummah, hein, qui sont les meilleurs de cette Ummah, eh bien, ils auraient été les premiers à la suivre et à l'appliquer et à appeler à cette règle. Comme le Cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné les paroles des kuffars, hein, qu'est-ce qu'il disait aux meilleurs parmi les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de la révélation, et ils essayaient de ramener le bien à eux-mêmes. Il disait aux musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne le verset 11 dans surat al-Ahqaf. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et les non-croyants, les mécréants, alladhina kafaru, ils disent à ceux qui ont cru, si ce que vous suivez était vraiment bon, ceux-là ne nous y auraient pas précédé, hein, en parlant des musulmans qui avaient cru, parmi les musulmans qui étaient, par exemple, pauvres, ou qui étaient faibles, ou qui étaient des esclaves, et ainsi de suite. Donc, ils essaient de dire aux musulmans que ces gens-là qui ont cru avant nous ne sont pas parmi les plus respectés, les plus élevés. Ils ne font pas partie de ceux qui ont le plus d'argent, le plus de prestige, le plus de noblesse dans la société. Donc, pour eux, ça c'est une preuve que c'est pas la vérité ou c'est pas bon, cette religion. Donc ils essaient de dire que si l'islam était vraiment bon, ce ne seraient pas les pauvres et les esclaves qui nous auraient précédés et devancés à accepter l'islam. On aurait accepté l'islam avant eux, puisque on est les meilleurs. Et le cheikh, en fait, le verset, ça dit à la suite, et comme ils ne se seront pas laissés guider par lui, c'est-à-dire par la révélation, par l'islam, ils diront, ce n'est qu'un vieux mensonge. Hein? Donc ça c'est pour dire, ça c'est leur attitude vis-à-vis des musulmans, vis-à-vis des croyants, vis-à-vis de la révélation. Ils se basent sur leur noblesse, leur personne, leur richesse, pour déterminer que c'est eux qui devraient être les premiers à être guidés. Maintenant le cheikh dit, « وقال الإمام ابن كثير معلقاً أما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة هو بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. لشيخ الزيك كالإمام ابن كثير dans son tafsir, lorsqu'il parle de ce verset-là, dans surat al-Ahqaf, le verset 11, par rapport à la parole des des mushrikin, des kuffars, il dit, en réalité, c'est le contraire. Hein, c'est le contraire. C'est-à-dire, s'ils étaient vraiment bons, ils auraient précédé les autres, hein, à l'islam. Ils auraient précédé les esclaves et les autres à l'islam s'ils étaient meilleurs qu'eux. Et il mentionne que Ahl Sunnah wal Jama'ah, c'est eux la référence, dans le sens que toute parole ou toute action qui n'est pas confirmée et que les Sahaba n'ont pas fait, alors c'est une innovation. Et si c'était quelque chose de bien, les Sahaba nous y auraient précédés. et il nous y aurait devancé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une partie ou un aspect parmi les choses qui fait partie du bien, excepté que les sahaba étaient les premiers à vouloir le faire et à vouloir le suivre. Donc ça veut dire que si aujourd'hui les sahaba ne suivent pas quelque chose, hein, ou n'ont pas voulu suivre quelque chose, alors ça prouve que c'était pas un bien et que c'est une bid'a, hein. Après le cheikh il dit fa in qala qa'ilun inna salaf لم يتكلموا بهذه المقولة ولكنهم سكتوا سكتوا عنها وسكوتهم لا يدل على خطأ على خطأ هذا القول قلت إن الأدلة التي ذكرناها عنهم تنقض هذه القاعدة ولو قدر أنهم سكتوا عن هذه المقولة فلا يخلو الأمر من حالتين الأولى أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به فيسعنا السكوت عما سكتوا عنه والثانية أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم غير عالمين به ويسعنا أن لا نعلم ما لم يعلموه وقال أبو حامد الغزالي في شأن من لم يؤثر من الألفاظ والأقوال ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لعلمهم بما يتولد منه من الشر. Donc le cheikh il dit ici à propos de, il dit, si quelqu'un te disait par exemple, comme objection par exemple, parce qu'on sait que il y a toujours des gens qui veulent s'objecter à des preuves et à des références qu'on mentionne parfois par rapport aux exemples des salafs, et il dit par exemple, donc le fait que des salafs, si quelqu'un te dit, si des salafs n'ont pas parlé de quelque chose, n'ont pas dit cette règle ou cette parole, est-ce que ça prouve le fait qu'ils n'en ont pas parlé, hein? Est-ce que ça prouve que cette règle-là, elle est pas bonne et qu'on doit pas le suivre? Parce que il dit, les salafs n'ont pas parlé de cette règle-là. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tus à son sujet. Ils n'ont pas parlé parce qu'ils se sont tus. Et donc ça n'indique pas que c'est une erreur. Le cheikh il répond à cette parole-là en disant que les preuves qu'on a mentionnées de la part des salafs viennent prouver et viennent montrer la fausseté de cette règle. Et si on suppose qu'ils se sont tus de cette règle, alors ou au sujet de cette règle ou de cette parole des ikhwan, eh bien il faut dire qu'il y a deux possibilités par rapport à ça. Ça ne peut pas sortir d'une de ces deux possibilités suivantes. La première possibilité, c'est qu'ils se sont tus de ça alors qu'ils la connaissaient. Et donc, s'ils se sont tus au sujet de cette règle alors qu'ils la connaissaient, alors au sujet de quoi ils se sont tus, eh bien, ça s'applique à nous également. On devrait se taire à son sujet, nous aussi. Puisque eux, si c'était bon pour eux de se taire au sujet de cette règle, alors c'est encore bon aussi pour nous de se taire à son sujet. Et deuxièmement, si ils se sont tus parce qu'ils ne le connaissaient pas ou ils ne connaissaient pas cette règle, alors ce que eux n'ont pas connu, eh bien, yani, c'est-à-dire, ça s'applique également à nous, dans le sens que si eux ils n'ont pas connu cette règle-là, eh bien, nous aussi, on n'est pas obligé de la connaître dans ce sens-là, hein? Puisqu'ils ont pu appliquer leur religion de la meilleure façon et ils l'ont compris de la meilleure façon sans avoir connu cette règle. Alors, nous aussi, on n'est pas obligé de la connaître dans ce cas-là. Et on peut dire que c'est à peu près le sens de ce que le cheikh explique, et il a tiré ça des paroles de l'auteur de Al-Hujja fi Bayan al-Mahajja, le volume 1 à la page 100. Après le cheikh il dit, وقال أبو حامد الغزالي في شأن ما, il parle des paroles de Abu Hamid al-Ghazali au sujet de, yani, des paroles et des termes qui n'ont pas été utilisés par les sahaba, hein, que les termes et les paroles au sujet desquels les sahaba se sont tus, alors que c'était ceux qui étaient les plus connaissants au sujet des réalités des mots et les plus éloquents et les plus forts dans les mots qu'ils utilisaient dans la langue arabe, et ainsi de suite. Donc s'ils avaient une meilleure connaissance des termes qu'ils utilisaient et des mots et de leur signification et de leur utilisation que quiconque en dehors d'eux, alors dans ce cas-là, s'ils ont refusé d'utiliser ces termes ou bien d'utiliser ces expressions ou ces règles, et s'ils ont ignoré ces règles, c'est principalement à cause du fait qu'ils étaient au courant où ils savaient les conséquences négatives, hein, et le mal que ces termes auraient pu amener par la suite. Et donc, ils ont préféré ne pas les utiliser. Et donc, nous, on devrait faire la même chose dans ce sens-là. Si un salaf n'a pas ramené une parole ou une règle au sujet de la religion, eh bien, on devrait suivre son exemple et ne pas l'amener nous aussi, ne pas ouvrir la porte à cette bid'a ou à cette innovation ou à cet égarement. Après, le cheikh il dit maslakun bid'i, c'est une voie vers l'innovation. De suivre cette règle des ikhwan, c'est une voie vers l'innovation. Le cheikh il dit hadhihi al-qa'ida taqtadi i'zar al-madhahib al-mukhtalifa wa taswir khilafaha wa iqrar al-jami' ala ma hum alayh kama yuqir al-ulama في كما يقر العلماء في مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف وهذا مسلك بدعي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقسم آخر أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة. Donc avant de lire la parole de Ibn Taymiyyah, on va lire la parole du cheikh à ce sujet-là. Donc cette règle est une règle vers l'innovation. Et qu'est-ce que ça implique, cette règle? Ça implique que on doit excuser toutes les sectes et tous les groupes et toutes les tendances qui sont en contradiction avec Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, et d'admettre leur divergence et de les accepter, et d'accepter leur divergence de la même manière que on peut accepter les divergences qui existent entre les ulama dans les questions d'ijtihad au sujet desquelles il est acceptable de diverger parfois dans certaines situations et dans certains cas, comme on a mentionné dans les cours précédents. Et ça, c'est une voie d'égarement, parce que les ulama, ils ne considèrent pas les divergences au sujet des divergences qui ont été ramenées par les sectes, ils ne les considèrent pas comme étant des divergences qui sont admises et acceptables dans l'islam, comme par exemple les divergences qui sont ramenées par les khawarij ou par les Murji'a, ou par les Qadariya, ou par les Shia, ou par les Rafida, ou par les Mu'tazila, ou par les Jahmiya, ou par les Asha'ira ou Maturidiya, ou bien amenés par les Soufiya. Donc toutes ces divergences-là, elles ne sont pas considérées et acceptées comme étant des divergences par rapport à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et c'est pour ça qu'on ne considère pas ces divergences-là comme étant des divergences qui font partie des ijtihadat et des efforts que des ulama ont fait dans la compréhension des textes, hein, et de l'extraction des verdicts, ainsi de suite. Donc, eux, ils essaient de faire rentrer ces divergences-là à l'intérieur. Et on va voir les conséquences de ça dans le prochain point qu'on va mentionner, inshallah. Mais pour l'instant, le cheikh, il dit que de suivre cette voie-là, c'est une voie de bid'ah. Puis il mentionne une citation très intéressante de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 12, à la page 466 et 467. Il dit, وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَقِسْمٌ آخَرَ أَقْوَامٌ لَا يَعْرِفُونَ اَعْتِقَادَ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ كَمَا يَجِبْ أَوْ يَعْرِفُونَ بَعْضَهُ وَيَجْهَلُونَ بَعْضَهُ وما عرفوه منه قد يكتمونه ولا يبينونه للناس ولا ينهون عن البدع ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصول الدين مطلقا وقد لا يفرقون بين ما يقوله أهل السنة أهل السنة والجماعة وما يقوله أهل البدعة والفرقة أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يصغ فيها النزاع وهذه حال كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit ici, cheikh Ibn Taymiyyah, il dit il y a une autre catégorie de personnes qui ne connaissent pas la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Maintenant vous allez entendre cette description, hein, et vous allez entendre cette explication de Ibn Taymiyyah rahimahullah. Vous allez voir que ça s'applique exactement mot pour mot aux hizbiyyin d'aujourd'hui et aux gens de ces tendances. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit, il y a une autre catégorie de personnes qui ne connaissent pas la aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah comme il faut, comme il est obligatoire de le connaître. Ou bien, ils en connaissent une partie et ils ignorent l'autre. Hein? Ça décrit bien, encore une fois, la réalité de ces gens-là aujourd'hui. Certains, ils ne connaissent pas du tout comme il faut la aqidah de Ahl al-Sunnah. D'autres, ils en connaissent une partie, mais ils ignorent l'autre partie. وما عرفوه منه قد يكتمونه ولا يبينونه للناس. Et ceux qu'ils en connaissent, la partie qu'ils connaissent de l'aqidah d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, ils peuvent la cacher et ils ne la clarifient pas pour les gens. Hein? Ça aussi, ça décrit exactement l'attitude de ces gens-là aujourd'hui. ولا ينهون عن البدع. Et ils n'interdisent pas les innovations. ولا يذمون أهل البدع. Et ils ne blâment pas, ils ne critiquent pas les gens de bid'a. وَيُعَاقِبُونَهُمْ. Et ils ne les punissent pas non plus. بَلْ لَعَلَّهُمْ يَذُمُّونَ الْكَلَامَ فِي السُّنَّةِ وَأُصُولِ الدِّينِ مُتْلَقًا. Et il est possible même que ces gens-là considèrent comme quelque chose de blâmable le fait de parler au sujet de la sunna et des fondements de la religion d'une façon absolue. C'est-à-dire ils ne veulent absolument pas en parler. Hein? Et ça, on le voit également dans l'attitude des Hizbiyyin aujourd'hui. Qu'ils refusent qu'on parle des fondements de Tawhid, d'Usul et d'Aqida. Hein? Et quand vous allez mentionner auprès d'eux ou en leur présence des questions qui ont rapport avec les firaq et les égarements de ces groupes de bid'ah et les différentes tendances et que vous les réfutez avec le Coran et la Sunna et que vous clarifiez l'aqida des salafs à leur sujet, ils n'aiment pas ça, hein? Et même parfois ils vont vous arrêter, ils vont vous stopper, hein? Si vous êtes en train de parler de ces choses-là, ils vont venir pour vous dire arrête de parler de ça, on veut pas que tu parles de ces choses-là, hein? Donc ça c'est un exemple encore une fois. Après qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il dit وَقَدْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ مَا يَقُولُهُ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمَا يَقُولُهُ أَهْلُ الْبِدْعَةِ وَالْفُرْقَةِ. Il dit et il se peut même que ces gens-là ils ne fassent pas de distinction entre les positions de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et les positions qui sont tenues par les gens de bid'ah et de division. Hein? Et ça aussi c'est quelque chose qu'on remarque encore une fois. Ils veulent pas faire de distinction entre les positions de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et les positions des gens de bid'ah. Et ça vous le trouvez par exemple chez les Sururiyin et chez les Qutbiyin et les autres gens de ces tendances-là. Hein? Ils veulent pas que vous distinguiez entre Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et les Khawarij par exemple. Hein? Parce qu'ils veulent pas que les gens sachent la distinction entre les deux. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils possèdent des tendances de ces gens-là. Et ils veulent pas qu'on clarifie par exemple entre les Soufis et yani Ahl al-Sunnah wal Jama'ah. Comme par exemple certains gens qui sont avec les Ikhwan et qui ont des tendances soufis. Ils veulent pas qu'on clarifie les questions qui ont rapport avec les égarements et les innovations des soufis. Et la même chose avec ceux d'entre eux qui sont parmi les Asha'ira et qui veulent pas qu'on clarifie les questions qui ont rapport avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi de suite. Hein? Et donc le cheikh il dit أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة. Ou bien ils laissent tout le monde rester hein, sur sa position dans leurs divergences et dans leurs différentes sectes. Hein, comme par exemple leur attitude envers les chiens et les rafidas. Les ikhwan, ils ont une attitude envers les rafidas, c'est de dire non, il faut les accepter. Hein, ce sont nos frères, il ne faut pas parler contre eux, il ne faut pas les critiquer. Il faut les accepter. Les chiens peuvent rester chiens, les soufis peuvent rester soufis, hein, tous ceux qui ont des tendances différentes peuvent rester sur leurs tendances différentes. Nous, qu'est-ce qui nous importe, c'est pas la religion des gens. Qu'est-ce qui est important pour nous, c'est qu'on travaille ensemble sur qu'est-ce qu'on est d'accord. Et Tariq Ramadan, il dit ça dans ses conférences. Il dit, essayez pas de dépasser la limite que Dieu nous a donnée, nous a permis. C'est-à-dire, il faut respecter, selon lui, toutes les croyances parce que Allah les a voulu, comme il dit. Et il supporte en disant ça la aqida des Jabri, hein. Et il croit donc que c'est comme si l'être humain doit approuver de tout ce qui se produit dans l'univers, sous prétexte que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu. Et on a expliqué dans plusieurs cours, quand on parle des questions de qadar, et quand on a expliqué ces principes-là, que Allah subhanahu wa ta'ala, il permet, hein, et il a voulu que certaines choses se produisent dans la création d'une manière qui est kawni, hein, c'est-à-dire irada, dans l'irada qu'on détermine comme étant al-irada al-kawniya, mais ça ne détermine pas que Allah subhanahu wa ta'ala aime ces choses-là. Hein, puisqu'on sait que dans la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la divergence et a interdit ces sortes de shirk et de kufr et de bid'ah, ainsi de suite. Donc, même si ces choses-là se produisent et que Allah a voulu qu'elles se produisent dans l'univers, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala les aime et les approuve et qu'il en est satisfait. Et donc, d'utiliser ça, c'est une erreur. Et donc, de dire, il faut accepter tout le monde sur la voie dans laquelle il est, il ne faut pas essayer de convertir les gens ou de les appeler à l'islam, c'est Allah qui guide, ainsi de suite. Oui, c'est vrai, c'est Allah qui guide, mais il faut faire les causes, hein? Il faut faire les causes, c'est-à-dire il faut clarifier la vérité et réfuter les mensonges et les égarements des gens qui appellent à l'égarement pour pouvoir les convaincre justement de la vérité de l'islam. C'est pas juste de se limiter à notre comportement, comme certaines personnes, ils disent, ah, il faut juste montrer le bon comportement, les gens vont se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas juste fait une da'wah comme ça, en disant, je vais juste faire un bon comportement, les gens vont se convertir à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux mushrikin et aux kuffar, hein, قولوا لا إله إلا الله تفلحوا, dites la ilaha illallah, vous allez avoir le succès. Et il a mentionné que leurs idoles c'était des faussetés et que qu'est-ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun pouvoir, n'a aucune force. Hein? Ça c'était pour les... Ça, quand les mouchriquins entendaient dire ça, pour eux ça c'était des insultes, hein, envers leurs idoles. Ils disaient, ah, t'as pas de respect pour nos idoles, tu dis qu'elles n'ont pas de pouvoir, tu dis qu'elles n'ont pas d'influence. Ils aimaient pas ça. Hein? Ils aimaient pas ces critiques-là. Mais pourtant c'était des paroles pour leur faire comprendre la réalité de l'islam et pour leur faire voir le mensonge qu'ils étaient en train de suivre. Donc on a vu cette partie-là. Et ويقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يسوق فيها النزاع. Et ils essaient de faire des comparaisons entre ça, c'est-à-dire entre ces divergences dans les croyances et dans les principes, dans les fondements de la aqida, ainsi de suite. Et ils veulent faire des comparaisons entre ça et les divergences qui se sont produites entre les mujtahidines et les ulama, qui ont des divergences dans des questions au sujet desquelles il est possible et on peut accepter certaines divergences dans certains cas, comme on a mentionné. Et les gens qui sont dans cette situation-là, le cheikh Ibn Taymiyyah, il les mentionne, les catégories de personnes qui sont dans cette attitude-là ou qui agissent de cette manière-là à son époque. Il dit « وَهَذِهِ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُرْجِئَةِ » Et ça, c'est cette description-là qu'on a faite. Il dit à son époque, c'est la situation de beaucoup parmi les murji'a. Et certains, al-murji'a c'est qui? Al-murji'a c'est ceux qui disent « la foi c'est dans le cœur seulement ». Hein, c'est pas dans nos actions puis dans nos paroles. Hein, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, t'es toujours croyant. D'accord? Donc eux ils disent ça, les Murji'a ils disent tu peux faire que ce que tu veux de contraire à l'islam, tu peux dire ce que tu veux de contraire à l'islam, tant que tu dis que tu es croyant, que tu es musulman, tu as la foi dans le cœur, c'est pas grave, ta foi elle est pas affectée par ce que tu fais, par qu'est-ce que tu dis, hein? Et yani, ils disent que tout le monde a le même niveau de foi, hein? Les prophètes, les criminels, ils sont au même niveau de foi. Et ils disent aussi que la foi c'est une seule et même chose. Si tu, du moment que tu l'as, tu ne peux pas la perdre. C'est ça que ça veut dire. Donc ils ont beaucoup d'autres croyances aussi de ce genre-là. Il y a différentes catégories de Murji'a aussi. Donc ça c'est une catégorie. Et vous en avez beaucoup de gens comme ça aujourd'hui, des Murji'a. Tu leur dis, fais la prière. Il dit, la foi c'est dans le cœur. Tu lui dis, mets le hijab. Il dit, la foi c'est dans le cœur. Donc tout c'est dans le cœur, même si tu pratiques rien. Ça c'est la secte des Murji'a. Ceux-là, vous trouvez des gens de cette tendance parmi eux qui disent, non, tout le monde peut être divergent, c'est pas grave, laissez tout le monde suivre la secte qu'ils veulent, les tendances qu'ils veulent, la liberté d'opinion, la liberté de croyance, la liberté de conscience, ainsi de suite. Ils appellent à ça aujourd'hui. Et ils disent, ouais, dans l'islam, il y a la liberté de croyance, la liberté de conscience, tout le monde a le droit de croire ou de penser ou de dire qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il pense, hein, même si c'est contraire au Coran, même si c'est contraire à la sunna, a'udhu billah. Ça, c'est pas l'islam, ça, hein. Donc, il y a ceux-là, il y a les mutafaqqiha, certains parmi les gens qui se prétendent des fuqaha et qui parlent au nom du fiqh. Et qui disent, nous on suit les quatre imams, hein, on en a plein des gens de cette tendance aujourd'hui parmi les gens de Bid'a qui veulent obliger les gens à suivre aveuglément un madhab et qui sont par la suite dans leur tendance toutes sortes d'autres croyances comme des croyances soufis et des tendances soufis et des croyances des Asha'ira et des Maturidiyya et puis qui veulent dire aux gens, oui laissez tout le monde dans leur croyance, c'est pas grave, hein, ça c'est pas correct. Il y a les mutasawwifa, les soufias. Les soufias, c'est peut-être un des groupes les plus extrémistes dans cette tendance-là, parce qu'ils acceptent toutes les divergences. Tu peux dire n'importe quoi, même des paroles de kufr, même ils acceptent même les chrétiens et les juifs, hein, parfois, dans leurs croyances. Donc ça, c'est pour vous dire à quel point certains soufiyins sont exagérés, extrémistes. Ils mettent leur shuyukh et leur awliya et leur kutub et leur awghath, comme ils les appellent. Ils les mettent à des niveaux de divinité, hein, ils les qualifient avec des qualifications divines. Ils disent qu'ils connaissent l'invisible, qu'ils contrôlent l'univers, qu'ils savent le raid, hein, et ainsi de suite. Donc, ceux-là, ils acceptent toutes les turqs. Vous allez voir un cheikh d'une tariqa, hein, il va jamais critiquer en principe une autre tariqa ou un autre cheikh d'une autre tariqa, alors qu'ils sont, divisés en des centaines et des centaines de turqs soufiyas. Et chacun de ces cheikhs soufis, il a sa propre aqidah, sa propre idée dans sa tête, hein. Et il parle de Dieu sans aucune référence, sans aucune connaissance. Donc, ils s'acceptent les uns les autres. Ils acceptent tout le monde, sauf les salafis. Vous allez remarquer ça. Tous les gens de Bid'a sont tous en train de s'excuser les uns les autres. Ah, c'est pas grave. Shia, soufi, ahbash, tablir. Ikhwan, n'importe quelle tendance, c'est pas grave. Liberté de croyance. Sauf quand ils parlent des salafis, ah non. Les salafis, c'est un groupe radical, extrémiste, nanani, nanana, hein. Les wahhabis, la même chose. Donc, ça veut dire, ils sont tous d'accord contre les salafis, mais entre eux, ils s'acceptent tous dans leur divergence. Et quoi, notre divergence à nous, c'est pas accepté, mais les divergences des autres, c'est accepté. Ça, c'est une chose étrange. On trouve ça donc chez les soufiyins et on trouve ça chez les mutafalsifa. Donc quand tu vois que ces gens-là, ils amènent des divergences dans la religion, qui sont des divergences au sujet de choses qui sont interdites, hein, c'est-à-dire ils se mettent d'accord sur des choses haram, et même sur des choses kufr, et même sur des choses de shirk, et nous, quand on est en train de ramener des preuves du Coran et de la sunna et des paroles des salaf salih au sujet de quelque chose, on nous accepte pas, on dit qu'on veut faire la divergence. Alors que eux, ils acceptent même des choses qui sont kufr et shirk et ils disent rien. Et ils acceptent des bid'a, ils disent rien. C'est toujours correct, hein. Donc ça, c'est des exemples. Si par exemple on leur dit, écoutez, Mawlid al-Nabawi, la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça n'a jamais été fait par personne, ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni par les sahaba, ni par les tabi'in, ni par les tabi'in. Aucun ulama a accepté ça. Donc nous on le rejette. Donc eux ils disent, non, vous êtes des extrémistes, pourquoi vous rejetez ça, c'est bien, c'est une bonne bid'a. Ils essaient de dire que c'est une bonne bid'a. Donc pour eux, toutes les bid'a qui sont en accord avec leur secte ou leur groupe ou leur croyance d'égarement, ils disent qu'elles sont bonnes. Et nous, quand on leur dit non, ce n'est pas des bonnes bid'a, c'est des mauvaises bid'a, parce qu'il n'y a pas des bonnes bid'a dans la religion. Toutes les innovations, les choses que tu peux inventer dans la religion ne sont pas bonnes, même si tu penses qu'elles sont bonnes ou tu t'imagines qu'elles sont bonnes. Parce que sur quoi tu te bases pour dire qu'elles sont bonnes? Tu te bases sur ta raison, sur ta logique. Et peut-être que ta logique est différente de la logique d'un autre. Donc pour un, c'est une bonne bid'a, tandis que pour l'autre, c'est une mauvaise. Hein? Et sur quoi vous allez vous baser pour déterminer si elle est bonne ou si elle est mauvaise, puisque vous n'êtes pas d'accord? Eh bien, il faut qu'il y ait une référence, non? Les deux peuvent pas être, la bid'a ne peut pas être bonne et mauvaise en même temps. Donc c'est quoi la référence pour trancher entre les deux? Est-ce que c'est les paroles des gens qui sont venus après les salafs? Ou est-ce que c'est le Coran et la Sunna qui va trancher? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les bid'a sont des égarements. Et les salafs ont rejeté toute forme de bid'a, comme on a expliqué. Donc comment vous voulez par la suite dire, hein, que ce sont des bonnes bid'a, il faut les accepter? Quand vous faites des choses contraires à l'islam, vous voulez qu'on vous accepte avec vos égarements, avec vos choses contraires à la charia. Et nous, quand on vous ordonne de suivre la charia, vous dites que on est des égarés, on est des radicaux, on est des ci, on est des ça. Parce qu'on vous demande de vous limiter à la loi d'Allah et aux règles de la sunna et aux principes de la aqida. Ça, c'est étrange, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la réalité des gens d'égarement. Maintenant, on va voir des exemples un peu plus pratiques. Hein? Et aussi, le cheikh Ibn Taymiyyah mentionne à la fin les philosophes. Hein, ceux qui veulent philosopher avec l'islam, hein, ceux qui se prétendent philosophes au nom de l'islam, ceux-là font partie des gens qui acceptent tout le monde sur leur tendance et qui ne veulent pas qu'on clarifie la réalité de la croyance d'Ahlus Sunnah, hein, comme les gens qui suivent Tariq Ramadan et qui sont sur ces tendances-là, qui disent qu'il faut accepter la divergence aussi, des choses de ce genre. Des gens qui se basent sur la philosophie et des choses de ce genre. Ils parlent, jamais ils ramènent de références et de preuves du Coran et de la Sunna. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Hein, ils disent toujours qu'ils n'ont pas le temps. On n'a pas le temps de rentrer dans les détails. Allah al-Musta'an. Alors que c'est les détails qui sont importants. Ce n'est pas tes paroles de philosophie, là. Nasallallahu al-Afiyah. Donc le cheikh il dit Babun wasi'un lish-shar. On va lire ce chapitre et puis on va voir si on a le temps de passer à un autre après, mais celui-là ça devrait nous occuper pour un bon bout de temps. Le cheikh il dit Babu wasi'un lish-shar. C'est-à-dire cette règle des ikhwan, c'est une porte large pour le mal, pour ouvrir la porte du mal. Hein? Le cheikh il dit لو قلنا بمقتضى هذه القاعدة لعذرنا كل مخالف وأقررنا كل بدعة وضلالة. Le cheikh dit, si on acceptait et on appliquait tout ce qui est impliqué par cette règle des ikhwan, on devrait excuser tout le monde. On va devoir excuser tout le monde et on va devoir même accepter toute personne qui a divergé dans une chose quelconque. Et ça veut dire aussi qu'on va devoir accepter toute bid'a et tout égarement, sans exception. Parce que du moment que tu dis on doit accepter les gens dans leur divergence, ça veut dire qu'on doit accepter toutes les bid'a, toutes les égarements, toutes les déviations, toutes les, hein, et ça c'est absurde. Et le cheikh il dit wal akhta yurafiqu ba'daha ba'dan wa yu'dharu min al akhta awwalan ma kana akhaf حتى نعذر بعد ذلك في الأخطاء العظيمة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة. Le Cheikh, il dit ici que les erreurs, elles s'accompagnent les unes avec les autres, c'est-à-dire elles se suivent. Les bid'ah, elles se suivent. Et les égarements, elles se suivent. Et les erreurs, elles s'accompagnent les unes les autres. Donc, au début, c'est, on va accepter les petites divergences et les petites erreurs, Hein? Et on va continuer à s'excuser dans les erreurs jusqu'à ce qu'on arrive aux grosses erreurs. Et là, on va continuer à s'excuser dedans. Parce que c'est ça, comme les salafs, ils ont expliqué, que les bid'ahs, elles commencent toujours par des petites innovations, par des petites bid'ahs, des bid'ahs qui paraissent petites aux yeux des gens. Puis, elles continuent à grandir et grandir et grandir et augmenter jusqu'à ce qu'elles deviennent des grandes bid'ahs. Hein? Donc, au début, les gens qui ne comprennent pas ou qui prennent pas, qui font pas attention, ils vont voir des innovations, ils vont dire, ah, ça c'est petit, ça c'est pas grave, c'est une petite affaire de rien, c'est une petite bid'ah insignifiante. Hein? On peut la laisser passer. Mais cette petite bid'ah au début là, elle va augmenter, elle va augmenter, elle va augmenter, elle va grossir jusqu'à ce qu'elle devienne tellement grande, hein, que par la suite, tu peux plus la rejeter, ou tu peux plus la repousser facilement. Ça devient difficile. Donc, il mentionne le cheikh les paroles de Ibn Taymiyyah dans Ar-Risal al-Tadmuriyya à la page 194. Il dit, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que qu'est-ce qui apparaît des innovations au début, c'est toujours les plus légères, les plus petites. Hein? C'est elles qui apparaissent en premier. Puis, à chaque fois que les ulama qui se basent sur la lumière de la prophétie deviennent faibles, ou bien s'il y a des ulama qui, le nombre des ulama qui diminue, ou bien des ulama qui s'affaiblissent, à mesure que ça s'affaiblit, la vérité, la bid'a devient de plus en plus forte. Hein? Donc, ça c'est qu'est-ce qui arrive par la suite. Lorsqu'on n'arrête pas les petites bid'a et les petites erreurs au début, eh bien, elles deviennent de plus en plus grosses, de plus en plus fortes, et par la suite, elles prennent le dessus même sur la sunna, hein, et sur la vérité. Donc, c'est grave. Et ça, c'est la fin de cette citation. Après, le cheikh, il dit, « وَلَوْ قُلْنَا بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ لَعَذَّرْنَا شَارِبَ النَّبِيذِ وَلَعَذَّرْنَا مَنْ تَزَوَّجَ مُتْعَةً وَمَنْ بَاعَ الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِ مَعَ الْمُفَاضَلَةِ ولعذرنا كل من أكل في رمضان بعد الفجر بعد الفجر قبل طلوع الشمس ولعذرنا من نكح الزانية مع استمرارها على البغى ولعذرنا من نكح المخلوق من مائه سفاحا ولعذرنا من استغاث بالأموات وعطل الصفات وقال بالجبر ونفى الرؤية حتى نرضى بعد ذلك بأقل القليل مما مع أصحاب البدع المضلة فنعذرهم في ضلالهم وغيهم ونتعاون فيما بقي معهم من الإقرار بوجود الله ضد من ينكره من شيوعيين وماديين. للشيخ الزي Ça, c'est les effets ou les conséquences de si on suit cette règle, qu'est-ce qui risque ou qu'est-ce qui pourrait arriver, yani. C'est grave. Cheikh, il dit, et si on acceptait cette qaïda, cette règle, eh bien, on commencerait à excuser toute personne qui boit de l'alcool fermenté par des dates. Hein, parce qu'il y avait une divergence, soi-disant, à ce sujet-là. Hein. Il y en a qui disaient que si c'est pas des raisins, si c'est pas à base de raisin, donc c'est correct. Hein? Il faisait une boisson fermentée avec des dattes. Dans certaines régions, certains chouyours avaient permis ça. Et donc, bien entendu, cette parole, elle a été rejetée et réfutée par les ulama, par d'autres ulama. Et ils ont prouvé que c'était interdit avec les preuves. Hein, comme on va le voir plus tard. Mais c'est juste pour montrer que, et pour dire que, si on acceptait toute divergence, eh bien, dans ce cas-là, ça ouvrirait la porte à ça. Et c'est étonnant de voir que les Ikhwan, souvent, vous les voyez dans les Ikhwan, vous voyez parmi eux les tendances des gens qui disent que, il faut suivre un madhab, hein, il faut suivre aveuglément un madhhab et pas sortir d'un madhhab. Et puis en même temps, vous les voyez supporter cette règle. Et donc, on voit clairement qu'il y a une contradiction entre les deux. Comment ils disent d'un côté, tu dois suivre un madhhab aveuglément et tu dois pas en sortir, et d'un autre côté, ils disent, on s'excuse mutuellement dans les divergences dans lesquelles on entre nous. Hein? Ça c'est bizarre, Yanni. Comment ils appellent à la liberté de croyance et la liberté de conscience et la liberté de religion, et puis par la suite ils disent vous devez suivre un madhhab aveuglément. Allah al-Musta'an, comment ils se contredisent. Après, ils donnent d'autres exemples. Donc on a vu l'exemple de ceux qui disent que, hein, si on appliquait cette règle, ça impliquerait qu'on devrait s'excuser dans le fait de boire des boissons fermentées. Hein? Et ça amènerait aussi qu'on devrait s'excuser dans les questions du mariage de Mut'a, hein? Comme les Rafida qui permettent le mariage de Mut'a. Le mariage de Mut'a, c'est quoi? C'est des gens qui se marient pour quelques heures, quelques jours, hein? Ils rencontrent une femme dans la rue, ils disent bon, on va se marier pour quelques heures, hein? Je te donne telle somme d'argent. Ils s'en vont, ils font leur mariage de quelques heures, et puis après, automatiquement, ils sont divorcés. Hein, ils vont voir un chier parmi les chiens, ils vont voir un chier qui va les marier vite, vite, comme ça, là. Hein, ils vont se marier pour 3 jours, 4 jours, 2 heures, 3 heures, 2 semaines, et puis après, c'est fini. C'est pour ça qu'il y a plein de prostitution maintenant dans les pays où leur système est basé sur la voie des Rafida. Ils sont remplis de prostitution. Et il y a des femmes qui sont spécialistes dans le mut'a, hein, et ils acceptent ça dans la société. Donc c'est un exemple que si tu dis on doit s'excuser les uns les autres dans les choses sur lesquelles on est en divergence, eh ben ça veut dire on doit ouvrir la porte à ça. Et une des choses qui a aidé la propagation de la voie des Rafida dans les pays musulmans, de Ahl Sunnah, c'est justement l'attitude des ikhwan vis-à-vis de ces gens-là. C'est-à-dire l'attitude des Ikhwan vis-à-vis des Rafida, qu'ils disent toujours, non, ce sont nos frères, il faut les aimer, on a des petites divergences, mais c'est pas grave, hein, il faut s'aimer entre nous, hein, il faut pas parler de nos divergences. Il faut pas dire qu'ils insultent les Sahaba, il faut pas dire qu'ils adorent les morts, hein, il faut pas mentionner qu'ils adorent les, ils prennent leur awliya, ils prennent leurs imams pour des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est, faut pas dire qu'ils croient pas au même Coran que nous, hein. Ça, c'est pas des, faut pas mentionner ça. Donc ça, c'est des exemples. Et il faut pas, et donc là, ça, le mut'a s'est propagé maintenant. Vous avez dans des pays où les gens étaient 100% des gens qui étaient, qui n'avaient rien à voir avec les chiites. Maintenant, ils commencent à pratiquer le mut'a. Soi-disant sous prétexte que on vit dans une époque et c'est difficile et les jeunes ainsi de suite, ainsi de suite, et ils ouvrent la porte maintenant au mut'a, et vous avez des groupes maintenant, des jeunes musulmans de différents pays où il n'y avait jamais des chiites dans ces pays-là, maintenant ils appellent à ça et ils pratiquent ça. Donc ça, c'est des exemples. Aussi, il dit, on aurait accepté également ceux qui veulent vendre un dirham, une pièce d'argent, par une autre pièce d'argent, mais avec une différence entre les deux dans la quantité. Hein? Ça, c'était une autre divergence qui était arrivée, qui est contraire au Coran et à la Sunna. Aussi, on aurait accepté celui qui mange après le Ramadan. On aurait accepté celui qui mange après le lever du soleil. Après le lever de l'aube, avant le lever de soleil, parce que c'est arrivé une divergence à ce sujet-là. Il y en a qui se sont trompés à ce sujet-là. Hein? Vous savez, c'est le sahabi qui avait mis 2 cordes, une corde blanche, une corde noire, et puis il attendait de pouvoir les distinguer entre les deux. Il croyait que c'était ça, al-khayt al-abyad wal-khayt al-aswad. Alors si on se basait sur cette erreur de ce sahabi, eh bien on devait continuer à manger même avant le lever de l'aube. Ou bien il y en a qui ont excusé le fait de se marier avec une femme qui fait le zina, même si elle continue à faire le zina après et à faire la prostitution, hein. Ou bien on devrait accepter même d'épouser l'enfant qui est né, la fille qui est née d'un mariage en dehors du mariage. Oui, c'est ça. Il y en a qui auraient accepté ou permis de marier un enfant qui est né en dehors du mariage. Hein, ça, c'est grave. Mais malgré tout, c'est une question. Il y a eu des divergences à ce sujet-là. Parce qu'il y en a qui ont dit non, c'est pas reconnu comme un enfant légitime, donc c'est pas ton enfant. Donc certains ont dit ah, tu peux la marier. Mais bien entendu, c'est une position qui a été rejetée et réfutée par les ulama avec les preuves du Coran et de la Sunna. Parce que même si c'est pas ton enfant légitimement, mais si tu sais que c'est ton enfant, parce que c'est toi qui a été à la base, qui était la cause de sa création, de sa naissance, et bien dans ce cas-là, tu es responsable d'une certaine façon, et tu peux pas, donc tu as des liens de sang, même s'ils sont pas des liens légitimes, mais quand même tu as des liens de sang, tu n'as pas le droit d'épouser cette personne. Et on devrait aussi excuser les gens qui cherchent le secours en les morts, hein, parce qu'ils essaient de justifier ces choses-là maintenant. Et ils disent que ça, c'est des choses qui devraient être acceptées, soi-disant. Ou bien on devrait accepter les gens qui nient les attributs d'Allah, ou qui les déforment de leur sens. Ou on devrait accepter ceux qui appellent à la aqidah des Jabriyah, qui disent qu'on est comme une plume dans le vent, ou une feuille dans le vent. On n'a pas de volonté, on n'a pas de force. Hein? Tout ce qu'on fait, c'est Allah qui nous l'a fait, qui nous force à le faire. Donc si je te frappe, si je te donne un coup de poing, tu dois pas me blâmer moi, tu dois blâmer Allah, parce que c'est Allah qui m'a fait te frapper. Hein, ça c'est la bêtise des Jabriyah. Ils font des choses haram, puis après ils accusent Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billah. Après, les gens qui nient la vision, le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Donc si on devait juste accepter et laisser passer toutes les questions de divergence, c'est cette porte-là qu'on ouvre. C'est une grande porte vers le mal, comme le cheikh le dit dans le titre de ce point. Hein? Ça voudrait dire qu'on devrait accepter toutes les bid'ah, toutes les sectes, et tous les gens de bid'ah, et tous les groupes d'égarement. Et on devrait coopérer, soi-disant, avec eux. Pourquoi ? Parce qu'ils acceptent l'existence de Dieu. Hein? Par opposition à ceux qui rejettent l'existence de Dieu parmi les communistes et les matérialistes. Hein? Donc, sous prétexte que ceux-là, ils acceptent l'existence de Dieu, il faudrait coopérer avec eux. Et maintenant, il y en a qui vont plus loin que ça. Même, ils voudraient coopérer avec ceux qui ne reconnaissent même pas l'existence de Dieu. Comme si maintenant, ça y est, c'est quoi la limite? Hein? Et on sait très bien que de reconnaître l'existence de Dieu, c'est pas suffisant pour être un croyant. Le Cheikh dit wa qala al-Khattabi fi siyaq hadithihi 'an an-nabidh wal-muskir wa qala qa'ilun inna an-nas lamma ikhtalafu fi al-ashriba wa ajma'u 'ala tahrim khamr al-'inab wa ikhtalafu fi ma siwah lazimana ma ajma'u 'ala tahrimihi wa abahna ma siwah. وهذا خطأ فاحش وقد أمر الله المتنازعين أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى الله فكل مختلف فيه من الأشربة مردود إلى تحريم الله وتحريم رسوله الخمر وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله كل شراب أسكره فهو حرام فأشار إلى الجنس بالاسم العام والنعت الخاص الذي هو علة الحكم فكان ذلك حجة على المختلفين ولو لزم ما ذهب إليه هذا القائل للازم مثله في الربا والصرف ونكاح المتعة لأن الأمة قد اختلفت فيها انتهى كلامه. Donc le cheikh il mentionne la réfutation de ces idées-là et de ces paroles en mentionnant une citation de l'imam al-Khattabi dans A'lam al-Hadith, le volume 3, à la page 2091-2092. L'imam al-Khattabi, il mentionne les hadiths qui ont rapport avec al-Nabidh, les boissons fermentées et al-muskir, yani l'alcool et les choses qui sont intoxicantes. Et il dit, si quelqu'un nous dit, les gens ont divergé au sujet des boissons, et ils se sont mis d'accord sur l'interdiction de l'alcool qui est fait à base de raisin. Mais au sujet des autres alcools, ils ont divergé entre eux. Donc ça implique qu'on doit se mettre d'accord sur les choses sur lesquelles ils ont été d'accord que c'est haram, et on devrait permettre le reste. Regardez cette compréhension qu'ils ont, ces gens-là. Et c'est grave. Et il y a des gens aujourd'hui qui parlent de l'islam, qui sont considérés comme étant des du'at, hein, des gens qui appellent à l'islam, comme Tariq Ramadan. Encore une fois, je vais mentionner le Tariq Ramadan, parce que lui, il dit des choses comme ça, lui aussi. Hein. C'est-à-dire, ah, mais les gens ont divergé sur des choses, puis ils sont d'accord sur quelque chose, donc il faut l'accepter, il faut le permettre. Hein, comme la musique. Hein, comme par exemple, quoi d'autre encore, la peine de l'apostasie, il le nie de cette façon. Hein. On n'est pas d'accord sur ci, on n'est pas d'accord sur ça, il y a des divergences, donc, hein, il ouvre la porte. Et donc, le cheikh, écoutez la réponse de l'imam al-Khattabi à cette chouba, comment il la réfute. Il dit, et ça, c'est une erreur grave, hein, c'est une erreur très laide. Hada khata'un fahish. Il dit, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à tous ceux qui ont des divergences de ramener leurs divergences à Allah. C'est-à-dire de ramener toutes les choses au sujet desquelles elles ont divergé à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute personne ou tout sujet au sujet duquel il y a des divergences par rapport par exemple aux boissons, eh bien tout ça doit être ramené à l'interdiction d'Allah et l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que Allah et son messager ont déclaré toute forme d'alcool, toute forme d'intoxicant comme étant haram. Et ça a été confirmé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique dans lequel il dit, toute chose que tu peux boire qui va t'intoxiquer, qui va te faire perdre ta raison, ta conscience, alors c'est haram, sans exception de la sorte ou de l'origine de cette boisson intoxicante. Ou même que ce soit, hein, comme par exemple, si c'est quelque chose qui est fermenté à base de sucre, ou à base de canne à sucre, ou bien à base de, comme le rhum et les autres boissons à base de canne à sucre, ou bien par exemple les boissons qui sont faites à base de raisin, ou bien à base de dattes, hein, comme les boissons fermentées qui sont faites à base d'autres choses que des choses comme ça. Donc tout ce qui est intoxicant, eh bien c'est considéré comme de l'alcool, c'est considéré comme haram, d'accord. Et même la drogue, qui ne sont pas des choses qui sont buvables, mais que les gens fument ou que les gens s'injectent de différentes façons, tout ça, ça te fait perdre ta raison, c'est un intoxicant, donc c'est considéré comme étant haram, et même parfois plus haram que l'alcool même. Il y en a qui se disent, mais non, c'est pas grave, la marijuana ou les trucs comme ça, c'est pas grave, le hashish ou des choses comme ça, c'est pas grave, c'est pas de l'alcool. C'est plus grave encore que l'alcool, parce que les effets sur le cerveau et les conséquences sur le tempérament et le comportement sont plus graves que l'alcool également, que l'alcool aussi. Et même si l'alcool peut avoir des effets très très néfastes aussi sur au niveau du comportement par la suite, à long terme aussi, parce que à un moment donné le cerveau commence à être affecté, et ben c'est encore pire pour la drogue aussi. Donc tout ça c'est des exemples que le cheikh il mentionne, il dit ça c'est des preuves de l'interdiction, parce que le terme qui est utilisé c'est la sorte, hein, c'est-à-dire tout ce qui est muskir. C'est général. Et il le ramène à quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que les gens, tout ce qui est bu et qui intoxique, qui rend les gens intoxiqués, alors dans ce cas-là, c'est haram. Hein? Donc il n'y a plus de discussion par la suite, il n'y a plus de place à la divergence. Parce que ça, c'est une preuve contre toute personne qui a divergé ou qui a contredit la vérité à ce sujet-là. Et si on appliquait la règle, le cheikh il dit, si on appliquait la règle que ces gens-là ont dit, que du moment qu'il y a une divergence, il faut ouvrir la porte et accepter tout, hein, et rendre tout halal, et bien ça, ça impliquerait qu'on devrait accepter le riba, et qu'on devrait accepter le sarf, et qu'on devrait accepter le mut'a, hein, parce que ce sont des choses au sujet desquelles il y a eu des divergences à leur sujet. Donc c'est pas parce qu'il y a une divergence que ça prouve que c'est halal. Parce que sinon ça voudrait dire que chaque fois qu'il y a une divergence, on devrait rendre halal tout ce qui a eu des divergences à leur sujet, même si ces divergences-là n'étaient même pas justifiées. Hein? Donc ça c'est des paroles ou des idées qui sont vraiment dangereuses. Et après, il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi. Il dit « قال الشاطبي مبينا مفاسد هذا التأصيل وما يؤول إليه من التضليل كالانسلاخ من الدين بترك اتباع الدليل إلى اتباع الخلاف كالاستهانة بالدين إذ يصير بهذا الاعتبار سيالا لا ينضبط وكترك ما هو معلوم إلى ما ليس بمعلوم انتهى كلامه. Donc le cheikh il dit, comme l'imam al-Shatibi, il a expliqué ça également dans Al-Muwafaqat, le volume 4 à la page 147, il explique les méfaits de cette base qu'ils ont établie, du fait qu'on se base sur la divergence pour rendre les choses halal, hein, comme ils disent qu'on s'excuse les uns les autres dans les choses sur lesquelles on a des divergences, et bien ça, qu'est-ce que ça amène comme conséquence? C'est l'égarement. Hein, ça amène à l'égarement, et l'imam al-Shatibi il a mentionné les effets et les conséquences d'égarement de cette règle, et il a dit donc que ça amène les gens à s'enlever complètement de la religion, à sortir complètement de la religion, parce qu'ils abandonnent la preuve, les textes de la charia et les preuves de la charia, et ils suivent la divergence comme si la preuve c'était la divergence, et donc ils vont commencer à prendre la religion pour une risée, hein, et prendre la religion pour quelque chose de futile, yani, ils ne vont pas lui donner une importance, et yani, pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus rien qui va être considéré comme étant fixe, comme étant stable, comme étant établi. Tout devient fluide, hein? Tout devient fluide parce qu'il n'y a plus rien qui tient, il n'y a plus rien de fixe, hein? N'importe qui peut diverger sur n'importe quoi et ça devient une référence, ça devient une preuve que quelque chose est halal. Et donc ça ouvre la porte à l'égarement. Et donc ça équivaut à abandonner qu'est-ce qui est connu et suivre qu'est-ce qui n'est pas connu. Et le cheikh, après avoir mentionné cette citation-là, il dit « قُلْتُ وَالتَّعَاوُنُ مَعَ أَصْحَابِ الْبِدَعِ الْمُضِلَّةِ يُوجِبُ الْأُلْفَ مَعَ الْوَقْتِ وَيُوجِبُ السُّكُوتَ عَنْ مُنْكَرَاتِهِمْ فِيمَا بَعْدِ لأن أولئك لا يتعاونون مع من ينكر باطلهم وبدعهم ويحذر الناس منهم فإن النفوس تنفر من التعاون مع من يحذر منها وينكر عليها والمرء مع من أحب يوم القيامة. Le cheikh il mentionne un point très important ici et il dit de coopérer avec les gens de bid'a, hein, les bid'as qui sont des bid'as qui amènent à l'égarement, hein, ça amène quoi comme conséquence? Ça amène qu'il y aura de l'amour entre les gens de bid'as et eux avec le temps, hein, il y a toujours des gens comme ça qui arrivent à un moment donné avec un petit peu de sens de sentimentalité là. Ils veulent dire aux gens, écoutez, il faut coopérer entre nous, il faut travailler ensemble, hein, Il faut oublier nos divergences, hein, il faut s'accepter, il faut travailler ensemble, il faut s'unir. Et puis ils viennent avec des discours un petit peu émotifs et sentimentaux. Et ils disent il faut travailler avec les gens de bid'a, c'est pas grave, hein, l'important c'est qu'on est tous musulmans. Et bien avec le temps, qu'est-ce que ça amène? Le cheikh il dit, ça amène que on se sent obligé de se taire devant les faussetés et les mauvaises choses qu'ils font. Après un certain temps, on développe de l'affection pour ces gens-là. Après un certain temps, on coopère avec eux et on ne peut plus les dénoncer quand ils font quelque chose contraire à la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on coopère avec eux, excepté en échange du fait qu'on se taise par rapport aux faussetés et aux mensonges qu'ils font. Et qu'on cesse de critiquer leurs innovations et qu'on cesse d'avertir les gens à leur sujet. Parce que le cheikh il dit, parce que les âmes, elles s'enfuient, les âmes s'enfuient de coopérer avec des gens qui mettent en garde contre toi et qui dénoncent ce que tu fais et qui dénoncent ce que tu suis. Et donc, à la longue, ça ne peut pas fonctionner. Même si tu dis non, on veut aller parmi eux pour les ramener, hein, on veut rentrer avec eux pour les ramener par la suite à la sunna. Eh bien, le cheikh, il dit, à la longue, ça ne peut pas marcher, ils ne vont pas accepter. Et ils ne vont pas accepter que tu les dénonces et que tu critiques. Et regardez combien de du'at, ils sont rentrés maintenant avec des groupes de hizbiyin et avec des mubtadi'a. Ils sont allés avec eux dans leurs conférences, ils sont allés avec eux dans leur groupe et dans leurs organisations. Ils ont voulu coopérer avec eux et avec le temps, qu'est-ce qu'on entend? On entend que ces gens-là, ils n'ordonnent plus la sunna, ils n'interdisent plus la bid'a, ils ne dénoncent plus les contradictions de l'islam par rapport aux bid'a de ces gens-là et aux égarements de ces gens-là. Parce que petit à petit, ils se sont fait absorber dans ces groupes-là et maintenant ils ont plus d'identité. Ils ont fondu dans le pot, comme on dit, hein. Et puis maintenant, ils n'osent plus dire un mot quand ils voient des choses contraires à la sunna, soi-disant sous prétexte qu'ils veulent unir les musulmans. Et les unir sur quoi? Malheureusement, pas sur la sunna. Donc, le cheikh, il dit qu'au jour de la résurrection, les gens seront ressuscités avec ceux qu'ils aiment. Hein? Donc, tu vas être ressuscité avec ceux que tu aimes. Alors, fais des efforts pour être avec ceux qui sont sur la sunna, et d'aimer ceux qui sont sur la sunna. Comme ça, au moins, tu seras ressuscité avec eux au jour de la résurrection, et non pas avec les jeunes bid'a. Et le cheikh, il dit, et on va terminer avec ce point-là aujourd'hui, le cheikh, il dit, « اِعْمَالُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ زِيَادَةٌ فِي التَّفَرُّقِ وَالْإِخْتِلَافِ » C'est-à-dire, d'appliquer cette règle, c'est quelque chose qui va augmenter la divergence et la division. Le cheikh, il dit, « اِعْمَالُ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ بِإِعْذَارِ الْمُخْتَلِفِينَ بِإِطْلَاقِ زيادة في تفرق الأمة وسبب لانتشار المذاهب الملل والملل والأديان ومثل هذا فمثل هذه القاعدة لا تحسم مادة الخلاف بل تزيده وما دام الكل معذورا فالشريعة إنما بعثت لحسم مادة الخلاف وليكون الناس أمة واحدة قال الخطابي رحمه الله مبينا هذه المفسدة فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محذور في العقول ومحرم في قضايا الأصول لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرة الأديان والملل ولم تكن فائدة في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي عابه الله عز وجل من التفرق في كتابه وذمه في الآي التي تقدم ذكرها. Donc le cheikh, il dit que d'appliquer cette règle et d'excuser toute personne qui diverge de façon absolue de cette manière comme ils le disent, c'est quelque chose qui va augmenter la division de la Umma et qui va faire se répandre l'inshitar al-madhahib. C'est ce qui va faire que les divergences, les différentes religions, les différentes sectes, les différents groupes vont se répandre dans la Umma. Les différentes positions déviées vont se propager dans la Umma. Et le fait d'appliquer donc cette règle ne va pas cesser la divergence, mais elle va l'augmenter, hein, parce que tout le monde va être excusé dans sa divergence. Et là, le cheikh, il dit que la charia, elle est venue pour stopper la divergence et limiter la divergence, pour que les gens soient une seule nation, une seule umma, et non pas pour qu'ils soient tous divisés les uns contre les autres. Et ça, c'est mentionné dans les paroles. Il y a une citation ici de l'imam al-Khattabi dans son livre Al-Uzla, à la page 57 et 58. il mentionne les méfaits de cette règle et il dit que en ce qui concerne les divergences dans les opinions et dans la religion, c'est quelque chose qui est interdit hein, selon la raison et qui est interdit selon les principes des fondements de la religion, car c'est quelque chose qui amène à l'égarement et qui est la cause de la yani, qui va être une cause de l'annulation yani, de la religion et de la négligence de la religion. Parce que si on laisse tout le monde être divisé, eh bien les opinions des gens vont être de plus en plus divergentes et on va voir l'augmentation et la division des gens de plus en plus grande, parce que les opinions et les sectes vont se propager et il y aura de plus en plus de religions et de tendances religieuses et de groupes et de sectes, ainsi de suite. Et donc, il y aura aucun bienfait. Et le bienfait qui découle d'avoir envoyé le messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne sera pas maintenu. Et donc, le cheikh dit, « Wa hada huwa alladhi abahullah » Et c'est ça que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé et a critiqué dans le Coran au sujet de se diviser au sujet du livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé les gens qui se divisent au sujet de la religion dans sa révélation, comme on l'a mentionné précédemment. Et ça, c'est une leçon pour nous, en fait, parce que il y a des gens qui pensent que la divergence est une chose qui est bonne, qui est positive, hein, ça amène de la diversité, ça amène plus de différences, et donc c'est quelque chose de bon. Et les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas connu la vérité, ils ne connaissent pas ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils pensent que donc d'avoir plus de divergences, c'est quelque chose de bon. Et bien entendu, c'est contraire, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné que il ne faut pas se diviser et diverger. Et il a interdit la division et la divergence. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on va continuer la suite de ça. On va finir la deuxième section, Inch'Allah, la semaine prochaine, Inch'Allah. Puis après, il va rester un cours pour clarifier les fatwas des ulama au sujet de cette règle. Qu'est-ce que les ulama de notre époque ont dit au sujet de cette règle par la suite. Donc on devrait finir, Inch'Allah, ce livre-là la semaine prochaine. C'est-à-dire dimanche prochain, Inch'Allah, on devrait terminer le livre, bi'idhnillah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.